Zygomar par Léon Sazy. Livre quatrième, La femme rousse. Première partie, Le bras marqué. Chapitre premier, La petite bretonne. Le timbre électrique annonça la fin de l'entracte. La seconde partie du spectacle du cirque moderne de la rue Saint-Honoré allait commencer. En attendant la sonnerie, la bieuse, Madame Frisette, qui sur l'escalier du couloir des loges faisait la causette avec une autre commère et une petite danseuse descendant au foyer, sursauta et vivement se dirigea vers la porte de la loge qu'occupait la charmante écuyère espagnole Rosa de la Huerte. Madame Frisette devait agrafer son costume de piste. Elle frappa quelques coups à la porte de la loge, qu'elle ouvrit presque en même temps. Mais aussitôt sur le seuil de la loge, Madame Frisette s'arrêta stupéfaite, leva les bras au ciel et poussa de hauts cris. En voilà un remue-ménage. Tout en l'air ou par terre, votre robe de ville, votre chapeau sur la chaise, voyons qu'est-ce qu'il y a. L'écuyère, qui roulait dans une robe de chambre japonaise à genoux par terre, cherchait dans ce fouillis, répondit furieusement. Il y a que j'ai beau appeler Yvonne, elle ne vient pas. Elle doit flirter avec un clown. C'est bretonne quand ça s'y met. Mais que cherchez-vous dans tout ça, mon collier de diamants? Vous mettez toujours l'écrin dans votre sac à main. Voilà le sac à main, mais l'écrin n'y est pas. Peut-être qu'Yvonne a tiré l'écrin pour... Non, je lui ai défendu d'y toucher. Elle a monté comme tous les soirs mon sac dans la loge, puis m'a descendu la clé au foyer. Quand je suis monté pour m'habiller, je n'ai plus revu Yvonne, et je n'ai pas trouvé mon collier. On a dû me le voler. Voler ? S'écria Madame Frisette en sursautant. Voler ? Impossible. Ça ne s'est jamais produit ici. Ce n'est pas une raison. Et ma rivière est assez belle pour tenter quelqu'un. Oui, mais je suis de garde, moi, dans le couloir. Je n'ai pas bougé de là. Personne n'est passé, pas même Yvonne. Je n'y comprends rien. Cherchons encore, aidez-moi. Les deux femmes se mirent de nouveau, sous prétexte de chercher, à tout bousculer, à mettre tout un peu plus sens dessus-dessous, sans rien découvrir, d'ailleurs. À ce moment, le régisseur rentra dans le couloir. « Mademoiselle Rose, ça va être à vous, descendez. » Rose courut à la porte, vivement appela. « Monsieur Eugenio, venez, venez !» En entrant dans la loge, le régisseur, comme Madame Frisette tout à l'heure, poussa un grand cri d'étonnement. L'écuyère et la vieille habilleuse, parlant ensemble, lui donnèrent la raison de tout ce désordre. « Voler, voler !» fit le régisseur. « Ici, dans la maison, c'est impossible. Égarer votre écrin, peut-être, mais voler, non. Qu'est-ce que vous avez fait d'Yvonne ?» Je l'appelle en vain. Elle doit être en extase devant un clown qui lui raconte des histoires. Yvonne n'est pas en bas, ni dans la salle, ni au foyer. J'en viens, je ne l'ai pas vue. Rosa tapa nerveusement du pied. Qu'elle soit où elle voudra, mais je n'ai pas mon collier. Bon, bon, du calme. Pendant que vous serez en piste, nous allons chercher plus posément. Madame Frisette et moi, dans tout ce fouillis. Achevez de vous habiller. Mais je ne peux pas paraître comme ça, sans rien au cou, je serai grotesque. « On va arranger ça, » fit le régisseur. « Nous allons demander à Miss Ida de vous prêter un collier. Venez avec moi. » Eugenio frappa une porte voisine. « Miss Eden, deux mots à vous dire. Peut-on vous voir ?» Une voix chaude, bien timbrée, répondit. « Certainement, entrez. »« Mademoiselle Rosa, » dit Eugenio en entrant avec les cuillères, « a oublié ou égaré son collier. Elle ne veut pas entrer en piste sans rien au cou. » Elle se figure que sans diamant, elle n'est pas habillée. Alors elle serait heureuse si vous vouliez bien lui prêter quelque chose qui pût remplacer sa rivière. « Rien de plus facile, ma chère Rose, » dit Miss Eden. « J'ai là, dans ma cassette à bijoux, un bracelet en diamant qui se transforme en collier. Le voulez-vous ? Merci mille fois. Que vous êtes charmante, ma chère Ida. » Tout en parlant, Miss Eden était allée prendre, sur la table qui servait de coiffeuse, un coffret parmi les boîtes à poudre, les fards, les bibelots dont sont encombrées les tablettes à toilette des loges d'actrices. C'était un coffret hindou en acier, rehaussé d'ornements d'or, admirablement ciselé. En poussant un bouton de rubis, Miss Eden fit jouer un petit ressort, et le coffret s'ouvrit. « Voici le bracelet, » dit-elle. Mais aussitôt, elle poussa un cri de surprise. « Oh, moi aussi !» Eugenio et Rosa se penchèrent sur le coffret. Ensemble, ils s'écrièrent. « Vide !» Désormais, plus de doute possible, un vol aussi audacieux que mystérieux venait d'être commis dans les loges des deux artistes. Eugenio était atterré et Madame Frisette, accourue, tremblait de tous ses membres. Cependant, le premier moment d'émotion passé, Miss Hayden reprit son sang-froid et eut même la force de sourire. « Ma chère Rosa, je regrette de ne pouvoir vous être agréable. Je suis logé à la même déplorable enseigne que vous. » Ce sang-froid, cette possession de soi-même étonnèrent tous ceux qui se trouvaient là. « Cela ne vous émeut pas plus, dit Rosa, les larmes aux yeux, que si vous aviez perdu une épingle à cheveux. Il faut voir les choses comme elles sont. Le vol est fait. Pourquoi nous désespérer, nous jeter la tête contre les murs? Vous acceptez le vol? Pas du tout. Que comptez-vous faire? Plus rien. » Eugenio, Rosa, l'habilleuse, sursautèrent. « Notre rôle, poursuivit Miss Hayden, très calme, notre rôle à nous, voler, à Rosa et à moi, fini à ce moment douloureux. Maintenant, cette affaire regarde la police. » Cependant, le tour de l'écuyer Rosa de la Huerte était arrivé. Rosa ne pouvait paraître dans cet état d'énervement. Eugenio alla faire une annonce au public et fit remplacer l'écuyer par une autre. « Quant à moi, dit Miss Hayden, je paraîtrai comme d'habitude. Seulement, au lieu de porter mon bracelet de diamants, je mettrai à mon bras un ruban. » Discrètement, Eugenio avait fait mander le commissaire de police, et l'enquête commença pendant que Miss Hayden, en haut du cirque sur son trapèze, recueillait les bravos de la salle que sa beauté, sa grâce, sa force étonnaient, enthousiasmaient. Miss Hayden était l'étoile du cirque moderne. C'était elle qu'on venait voir, elle qui emplissait le cirque. Elle justifiait absolument cet engouement du public. À son apparition sur la piste, on ressentait comme un éblouissement. On disait que Miss Hayden était la plus belle des femmes, non des Françaises, des Anglaises, des Américaines, des Russes, des Italiennes, des Espagnoles, mais de toutes les femmes. Personne d'ailleurs ne pouvait dire quelle était sa nationalité. Elle parlait et écrivait admirablement 5 ou 6 langues, connaissait en leurs moindres détails non seulement les grandes villes des deux mondes, mais même de simples bourgades, des villages perdus dans lesquels jamais voyageur ne semblait avoir pénétré. Miss Hayden passait donc pour la plus belle femme de l'univers. Elle était grande, mais si harmonieusement bâtie qu'on la voyait cependant délicate, charmante, vraiment femme. Devant elle, les plus difficiles des peintres, des sculpteurs, s'inclinaient comme devant l'expression de la beauté absolue. Ses bras de forme parfaite se terminaient par des mains d'enfant, ses pieds se sentaient perdus dans la bottine de Cendrillon. Sa figure régulière s'éclairait de 2 grands yeux qu'on disait bleus, mais si profond qu'il semblait noir. Et sa tête s'encadrait en piste, dans une masse de cheveux noirs qui parfois avaient des reflets étranges, ce qui faisait dire que Miss Hayden était non brune mais rousse. Ce qui chez Miss Hayden étonnait le plus, c'était sa puissance musculaire, sa force. Elle était forte comme le plus robuste des lutteurs. Ses membres charmants, ses petites mains, ses dents perlées semblaient un acier de la meilleure trempe. Tout était étrange, mystère, chez cette femme adorable. De même que l'on ne pouvait dire quel était son pays, son origine, nul ne savait son nom. « Miss Ida Hayden », disaient les affiches, certifiaient les papiers officiels dûment et légalement approuvés qu'elle montrait quand il lui fallait fournir des pièces d'identité. Mais Ida était un prénom et Hayden n'était pas un nom. Hayden, en anglais, veut dire secret, mystère. Miss Hayden était donc Miss Secret ou Miss Mystère, que personne ne devinait. Elle allait dans la vie, se livrant aux yeux de millions de gens, acclamés par les foules, célèbres, populaires et cependant inconnus. Naturellement, des légendes couraient sur elle et ne contribuaient pas peu à augmenter l'action qu'elle exerçait sur le public. Un des plus curieux mystères que l'on eût voulu percer était celui de son bracelet. Miss Hayden, dans ses nombreux costumes de gymnasiarque, gardait les bras nus, mais elle portait toujours au bras gauche, à hauteur des biceps, un large bracelet garni de maillons d'or, pourtant enchâssé de gros diamants. Ce bracelet faisait plusieurs fois le tour du bras et le couvrait du biceps à l'épaule. On prétendait, pour expliquer la raison qui ne permettait pas à Miss Hayden de montrer le haut de son bras, que sa perfection avait là sa seule tare physique. Quelques gens, voulant passer pour bien informer, assuraient qu'elle cachait une cicatrice, une blessure, la marque d'un coup de poignard. D'autres, avec autant de certitude, affirmaient que Miss Hayden masquait ainsi le tatouage de 2 initiales. Madame Frisette, qui habillait Miss Hayden, souvent pressentie, déclarait que toujours elle avait trouvé au bras de la gymnasiarque un large cercle d'or ou le bracelet de diamants fermé par un ressort secret ou un ruban de velours vert comme celui de ce soir. Mais ce ruban était garanti contre toute indiscrétion, à l'abri d'un arrachement, d'une déchirure, de l'entaille d'un coup de couteau, car il reposait sur une armature d'acier. Ce soir, son ruban vert au bras, Miss Eden recueillit comme d'habitude sa moisson de bravos frénétiques. Le commissaire de police se trouvait à ce moment auprès de Rosa de la Huerte, dont il avait reçu la déposition, ainsi que celle de Madame Frisette. Eugenio jeta le manteau dont elle s'enveloppait à sa sortie de piste sur les épaules de Miss Eden et l'emmena dans la loge de sa camarade. Le commissaire posa quelques questions à Miss Eden, qui répondit très simplement « Je ne puis vous dire autre chose que ce qu'on vient de vous apprendre. Je tiens cependant à vous déclarer, avec ma camarade Rosa, que Madame Frisette, qui se désole de tout cet événement parce qu'elle a la garde de nos loges, est au-dessus de tout soupçon. » Eugenio intervint et dit au commissaire « À mon avis, le vol a été commis pendant que ces dames se trouvaient en bas au foyer, avant de monter s'habiller dans la loge. « Mais, s'écria Rosa de la Huerte, pendant que nous étions au foyer, Yvonne, ma bonne, devait se trouver dans ma loge. « Faites venir Yvonne, ordonna le commissaire. « Impossible de la trouver, déclara Eugenio. « Le public est parti, on a cherché partout, personne n'a revu la petite Bretonne. « Les clowns, qui s'amusent de sa naïveté, l'ont vu monter ici. » Ils l'attendaient pour rire encore avec elle. Ils ont la conviction qu'elle n'a pas quitté cet étage. Madame Frisette, au milieu de ses larmes, affirma « Moi aussi, je la croyais encore dans la loge de Mademoiselle Rose. »« Ah ah !» fit le commissaire. « Ceci complique l'affaire. Croyez-vous cette Yvonne susceptible de... »« Oh non, monsieur le commissaire !» s'empressa de répondre Rose. « C'est une fille de paysan que j'ai ramenée cet été de Bretagne. Je suis certaine de sa probité. » « C'est une honnête fille, j'en réponds. »« Dans ce cas, elle doit être ici. Nous allons la trouver peut-être égarée dans une loge, endormie, que sais-je. » On parcourut toutes les loges de l'étage, on ne trouva pas trace d'Yvonne. Mais Eugenio regarda dans le fond du couloir. Là se trouvaient des accessoires ayant servi à une revue finie depuis quelque temps et qui attendaient provisoirement une autre destination. « Il me semble, dit Eugenio, que ce matériel était rangé autrement. » Voilà une haie de fleurs en toile qui est à terre et qui s'abîme. Eugenio, tout en parlant, alla relever la haie de fleurs. Il partit aussitôt d'un grand éclat de rire. « La voilà » dit-il. « Yvonne ? » s'écria-t-on en accourant. « Oui, elle dort dans les fleurs. » En effet, la petite Bretonne était étendue à terre de tout son long. La haie de toile rabattue sur elle la cachait complètement. Avec cette pauvre fille, un peu simple d'esprit, il était permis de s'attendre à une fantaisie pareille. Fatiguée, peut-être, elle n'avait pas voulu cependant ne pas venir au cirque. Mais, domptée par le sommeil, elle avait trouvé ce coin très bon pour se reposer, comptant que sa maîtresse l'éveillerait en l'appelant. Telles étaient les suppositions que l'on faisait en la regardant, si paisible, si calme, dans son costume de bretonne, son tablier blanc, son petit bonnet à peine dérangé. Rosa de la Huerte, cependant, appela « Yvonne !» « Yvonne !» La petite Bretonne ne répondit pas, ne bougea pas. Le commissaire se pencha, il lui prit le bras retomba inerte. « Oh, ce qu'elle dort !» s'écria Rosa, qui, toute espagnole qu'elle était, connaissait le français de Montmartre. Mais déjà Miss Eden s'était penchée aussi sur la petite Bretonne. Elle posa la main sur le corsage de la dormeuse, puis, se relevant, déclara « Yvonne ne dort pas, elle est morte. »